إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ceci est un réenregistrement du 14e cours de l'explication de Cheikh Bazmoul, Mohamed bin Omar Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui est la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, comme si tu la voyais du tekbir au teslim. Et donc c'est un des cours qu'on a perdu et qu'on a dû réenregistrer, et c'est le cours numéro 14. Il commence à la page 167 de l'édition que j'ai ici, qui est l'édition Dar al-Tawhid et Dar al-Istiqamah, et c'est le chapitre concernant la position des mains sur la poitrine. Et donc Cheikh, l'auteur, qui est Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, nous dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, il posait la main droite sur le dos de la main gauche. Wa kana yada'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusughi was-sa'id. Donc le chapitre ayant pour titre Wad'uhuma 'ala as-sadr. Wa kana yada'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusughi was-sa'id. وأمر بذلك أصحابه وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يقبض باليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الاختصار في الصلاة وهو الصلب الذي كان ينهي عنه. Donc l'auteur qui est Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il nous dit, il posait la main droite, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, sur le dos de la main gauche, le poignet et l'avant-bras. Et il ordonnait à ses compagnons de faire cela. Et parfois, il tenait sa main gauche avec sa main droite. Il les posait sur la poitrine. Alors maintenant, dans l'explication de Cheikh Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, de ce passage, il nous dit « في هذا الفصل مسائل وهي التالية المسألة الأولى بيان كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام بعد تكبيرة الإحرام والذي دلت عليه النصوص أن لها كيفيتين الأولى صفة الوضع والثانية صفة القبض فلك أيها المسلم أن تضع يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة إما على صفة الوضع وإما صفة القبض أما صفة الوضع فأن تأخذ يدك اليمنى وتضعها على كفك اليسرى حيث تدع الرسغ وهو العظم الذي بين الساعد والكف تدع الرسغ والساعد في اليد اليمنى على الرسغ والساعد في اليد اليسرى أما القبض فهي أن تقبض بيدك اليمنى على الساعد من اليسرى وبعض أهل العلم يجعلهما صفة واحدة ولم يرتضي ذلك المصنف رحمه الله فقال تعليقا في الهامش على هذا الموضع وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Donc Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul nous dit, حفظه الله تعالى, concernant ce passage de la position des mains sur la poitrine dans la prière, il dit, les points tirés de ce chapitre sont les suivants. Le premier, la mise en évidence de la manière de poser la main droite sur la main gauche en position debout, ce qu'on appelle qiyam, après takbiratul ihram. On avait dit que takbiratul ihram, c'était la première takbira de la prière. lorsqu'on dit pour la première fois Allahu Akbar, et c'est par cela qu'on rentre en prière. Ce qui est mis en évidence par les textes, c'est qu'il y a deux caractéristiques à cette position. La première, ce qu'on appelle sifat al-wada', c'est la manière de poser les mains. Et sifat al-qabd, c'est la manière de prendre les mains. Donc toi, le musulman, tu peux poser tes mains dans la prière, soit en faisant la première ou la deuxième, c'est-à-dire soit en faisant sifat al-wada', déposer la main l'une sur l'autre, ou sifat al-qabd, c'est-à-dire le fait, comme on a dit, de prendre les mains. Alors on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Sifat al-wada', il dit le shir, c'est-à-dire le fait que tu poses les mains, et bien c'est que tu poses ta main droite et que tu la poses sur la main gauche. Donc on a dit toujours sur la poitrine, dans la prière, en position debout. C'est que tu poses ta main droite sur la main gauche. C'est-à-dire que tu mets ton poignet droit et ton avant-bras droit sur ton poignet gauche et ton avant-bras gauche. Comme on a dit en arabe, rousour, ici il a utilisé le mot aussi, le cheikh, rousour, c'est le poignet de la main. Et sa'id, c'est l'avant-bras. Elle a utilisé l'azm, qui veut dire l'os en langue arabe. Donc pour résumer cette caractéristique-là, ou cette manière de mettre les mains sur la poitrine dans la prière, en position debout, eh bien la première, c'est sifatul wada', comme on a dit, c'est de poser la main droite sur la main gauche, c'est-à-dire de mettre ton poignet droit et ton avant-bras droit sur ton poignet gauche et ton avant-bras gauche. La deuxième manière, c'est sifatul qabd. Eh bien, c'est de prendre, d'empoigner. C'est-à-dire que tu empoignes de ta main droite ton avant-bras gauche. Cheikh dit, certains gens de science font de la manière du qabd et du wada' une seule manière. C'est-à-dire que tu te poses et tu empoignes en même temps. Et l'auteur, Cheikh l'Albani rahimahullah, n'a pas approuvé cela. Il a dit en guise d'annotation de bas de page à cet endroit du livre, tandis que faire al-qabd et al-wada', c'est-à-dire le fait de poser la main sur l'autre main et de en même temps l'empoigner, en même temps, eh bien que certains parmi les Hanafis récents, les muta'akhirin min al-Hanafiyya, ont agréé, eh bien Cheikh l'Albani, il dit que c'est une innovation, fabid'atun. Et fin de citation donc de Cheikh Al-Bani rahimahullahu ta'ala. Il faut savoir que Cheikh Al-Bani rahimahullah, il a expliqué cette manière-là de faire. Hein? C'est-à-dire que de joindre entre le qabd et al-wada', que Cheikh Al-Bani considère comme une bid'a. C'est-à-dire que Cheikh Al-Bani dit que c'est une sunna, soit de faire al-wada', de déposer la main droite sur la main gauche, soit d'empoigner la main gauche avec la main droite. Soit empoigner, soit déposer. Et on a déjà dit comment il fallait faire. Donc Cheikh l'Albani dit le fait que faire les deux en même temps, eh bien c'est une bid'a. Et il explique quelle est cette bid'a et comment est-ce qu'ils la font. Comment est-ce qu'ils regroupent le fait de poser et de prendre en même temps. Eh bien il dit c'est de déposer la main droite sur la main gauche en tenant le poignet. Hein, évidemment le poignet gauche, avec l'auriculaire et le pouce. Et en posant les trois autres doigts sur le bras gauche. Bien Cheikh l'Albani dit que cette manière-là de faire, c'est une innovation. Je répète encore une fois, c'est quoi Cheikh l'Albani? Il dit que le fait de regrouper entre al-wada' et al-qabd, les deux manières, que c'est une bid'a. Et comment est cette bid'a? Comment est-ce qu'ils le font? Eh bien c'est qu'ils dépose la main droite sur la main gauche en tenant le poignet, c'est-à-dire le poignet gauche de la main droite, mais juste avec l'auriculaire et le pouce. Et il pose les trois autres doigts de la main droite sur l'avant-bras gauche. Je sais que c'est un peu difficile quand on écoute le dars de se figurer cela. À la kulli hal, Cheikh il rapporte le deuxième point tiré de ce chapitre. Et il dit Al-mas'alatu thaniya, makanu al-yadayn yakunu 'ala sadr. فوق الثديين وهذا الصحيح من الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب بعض أهل العلم بعض العلماء إلى أن المسلم مخير بين أن يضعها على الصدر أو أن يضعها بين الصدر والسرة، وبعضهم ذهب إلى وضعها تحت السرة، والذي ثبت مرفوعا صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وضع اليدين على الصدر، وهو محتمل للوضع فوق الثديين أو تحت الثديين فوق السرة. Deuxième point tiré de ce chapitre, eh bien c'est la place où se trouvent les mains. C'est sur la poitrine, au-dessus des pectoraux. C'est ce qui a été rapporté de manière authentique, hein, sur les pectoraux, au-dessus des pectoraux, c'est ce qui a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont l'avis que le musulman a le choix de poser les mains sur la poitrine ou entre la poitrine et le nombril. Et certains ont l'avis de les poser au-dessous du nombril. Ce qui a été rapporté de manière authentique et évidente du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est quoi? C'est de les poser sur la poitrine, ce qui peut être compris comme les poser au-dessus des pectoraux ou en dessous, mais attention ici, au-dessus du nombril. Hein? Évidemment, je vous rappelle le hadith qui dit, hein, et qui est le, en fait le hadith général sous lequel rentre ce livre, c'est « Sallu kama ra'aytumuni usalli ». Priez comme vous m'avez vu prier. D'accord? Et c'est pour ça que Cheikh Al-Albani s'est attaché à faire tout ce livre pour décrire la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc il convient de prier comme le prophète sallallahu alayhi wasallam priait. Or ici, comme on vient de le voir, c'est que ce qui a été rapporté de manière authentique, c'est de mettre les mains sur la poitrine. Hein? Et on a vu que ça pouvait être sur la poitrine ou en dessous de la poitrine, mais au-dessus du nombril. Troisième point tiré de ce chapitre, المسألة الثالثة ما يتعلق بوضع اليد في الصلاة وهو أن المسلم منهي عن الاختصار في الصلاة وصفة الاختصار وصفة الاختصار هو أن يضع يديه على الخاصرتين يعني يجعلها مجوفتان يضع الكف على الخاصر من هنا ومن هنا فإن هذه صفة صلاة المغضوب عليهم. Troisième point tiré de ce chapitre, eh bien ce qui touche au fait de poser les mains dans la prière, et c'est le fait qu'il est interdit aux musulmans de faire al-ikhtisar. Al-ikhtisar dans la prière, c'est le fait de placer les mains sur les hanches, de mettre chacune des paumes sur une hanche, car c'est une caractéristique de ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal. On a fini ce premier chapitre, de deux chapitres qu'on devait réenregistrer. Et on s'attache à traduire, inshallah, le deuxième chapitre. Qui a pour titre النظر إلى موضع السجود والخشوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وكان ينهي عن رفع البصر إلى السماء. ويؤكد في النهي حتى قال لن ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وفي رواية لا تخطفن أبصارهم. وفي حديث آخر فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا عن التلفت اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ونهى عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراها تراه فإنه يراك. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب من لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتني أو يفتني. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولهو يدافعه الأخبثان. Donc qu'est-ce que nous dit l'auteur, qui est Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala, quand il fasse miséricorde, il dit: regardez vers l'endroit de la prosternation et le recueillement. C'est donc le chapitre qui sont consacrés à étudier l'endroit vers lequel on doit regarder dans la prière. C'est l'endroit de prosternation et ce qui concerne aussi le khushu', le recueillement. Lorsqu'il, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, priait, il inclinait la tête et dirigeait son regard vers le sol. Lorsqu'il est entré dans la Kaaba, son regard n'a pas quitté l'endroit de sa prosternation jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il a dit: il ne convient pas qu'il y ait quelque chose dans la maison qui puisse distraire la personne en prière. Il interdisait de lever les yeux au ciel et il insistait sur cette interdiction au point de dire que les gens cessent de tourner leur regard vers le ciel dans la prière ou alors il ne leur reviendra pas. Dans une autre version, où ils perdront la vue. Dans un autre hadith, lorsque vous priez, ne détournez pas le regard vers le ciel dans la prière, car Allah subhanahu wa ta'ala place son visage vers le visage de son serviteur en prière tant que celui-ci ne le détourne pas. Il a dit aussi à propos du fait de détourner le regard: c'est un vol par lequel le diable vole une partie de la prière du serviteur. Il a dit: Allah est en face du serviteur en prière tant que celui-ci ne détourne pas son regard. Et lorsqu'il détourne son visage, Allah se détourne de lui. Il a interdit trois choses: picorer comme le coq, s'accroupir comme le chien et regarder à droite et à gauche comme le renard. Il disait, alayhi salatu wasalam, prie comme si tu allais faire tes adieux, comme si tu voyais Allah, ou si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Il a dit, il n'y a pas un homme qui, au moment d'une prière obligatoire, accomplisse parfaitement ses ablutions, son recueillement et ses inclinaisons, sans qu'elle ne soit une expiation des péchés qui l'ont précédé, tant qu'il ne commet pas un grand péché, et ceci tout au long de sa vie. Il pria dans une khumaysa, vêtement de soie, hein, ou khamisa, vêtement de soie ou de laine comportant des motifs. Il posa son regard sur les motifs et lorsqu'il eut terminé, il dit: portez ma khumaysa à Abu Jahm et ramenez-moi sa anbajaniya, c'est-à-dire vêtement épais ne comportant aucun motif. Car elle m'a gêné dans ma prière. Et dans une autre version du hadith, car j'ai regardé ces motifs dans la prière et ils ont failli me déconcentrer. Aïcha radiallahu anha avait un vêtement avec des motifs vers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et qui était étendu dans sahwa. C'est qui, comme l'a dit Ibn al-Athir dans An-Nihaya, hein, c'est une petite chambre sur un sol légèrement en pente, proche de l'alcôve et de l'armoire. Il dit alors: éloigne-le de moi, car ces motifs ne cessent de me détourner de ma prière. Il dit, alayhi salatu wasalam, pas de prière lorsque le repas est servi et lorsqu'on doit faire ses besoins. Alors maintenant, l'explication de ce chapitre-là de Cheikh l'Albani rahimahullah, faite par Cheikh Mohamed bin Omar Bezmoul, hafidhahullah ta'ala. Donc Cheikh l'Albani rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a rapporté un chapitre sur l'endroit vers lequel le regard se doit se poser dans la prière, et c'est l'endroit de prosternation, et aussi concernant la concentration, le khushu'. Et Cheikh Mohamed bin Omar Bezmoul, hafidhahullah, qu'Allah le préserve, nous explique ce passage en disant: Ce chapitre comprend plusieurs points. Le premier, أقول هذا الفصل تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى أن يكون موضع بصر المصلي في الصلاة. أين يكون موضع بصر المصلي في الصلاة؟ دلت الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب أن موضع بصر المصلي يكون محل سجوده، بمعنى أنه يقف محنيا رأسه إلى جهة الأمام قليلا راميا ببصره إلى محل السجود. وهذه الصفة هي الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أشارت إلى ذلك الأحاديث التي قرأناها قبل قليل. وذهب بعض العلماء إلى أن المصلي يرمي ببصره إذا كان مأموما جهة الإمام لكي ينظر إلى صلاة الإمام.